Yo. BDSM, by the myth. Zach Sirac. Bang. Seigneur Lino. Dexter. Ya. Ta lumière, c'est un bouton veille qui brille sans courant. J'suis Tijan, toi tu pousses ton ray qui glisse en courant. J'suis du genre à te mettre en face de ton reflet. Tu prends des cours pour couper court, mais en classe je te vois ronfler. On me dit t'es indétrônable, mais je les crois plus. J'ai plein mon âme. Tiens, t'es trop naze, ça tient des promenades. L'indépronal, c'est ma source d'éclairage. Ils font trop les patrons, mais ils sucent tous des RH. PRH, remplace la plume et ça fait trembler le sol. Mais je peux pas dire que je suis là sans personne. Merci R2, Seigneur et B2M, merci les autres. On rappe déjà grâce aux cellules diamantées, ouais, au ciel des eaux. Être sous des ordres, ça nous plaît pas, mais faudrait se ranger. Je voudrais changer, car être trop sous, ça fait des ordres. Surtout pas se venger, s'arranger. On est des hommes, y'a que les fous qui s'entretuent pour engranger des sommes. Avis de tempête quand les connexions se font du bout du stylo. Ouais, je dédicace pour Seigneur El Khalif et Seigneur Lino Boy. On connaît nos classiques, partis de rien comme les gars de Best Buy. Faites place ou barrez-vous, sinon sans vous blesse pas. T'as reconnu le Zach, monter le son sur l'écran plasma. T'as vu nos textes, nos têtes, normal qu'on nous place pas. Face cam, je donne ça pour mes pirates sur le navire. Pas pour ceux qui tueraient père et mère pour un scalpa. Au bistrot, je les entends faire le monde entre lascar. Même en voulant le bien, ils se laissent avoir par mes fistos. On est fort ensemble, mais le double H rap depuis que l'unité et le respect sont morts ensemble. J'en profite pour remercier tous ceux qui donnent la force. On s'en servira le moment venu quand faudra qu'on force la porte. 303 dans la cuisine, B2M. Je reste toujours le même, malgré les doutes et les peines. Je désire une femme que j'aime, toi, tu veux toutes et les tiennes. Je rappe ma vie à tu réelle, je viens flouter les thèmes. C'est un enfer dans ma tête, maintenant je veux goûter l'Éden. ZAX, IRAK, B2M au chromie. On va tout part choquer sans auto, et ça c'est promis. J'ai trop mis d'importance à relever ces bouffons. Quand moi-même je manquais d'air, eux je les trouvais étouffants. J'ai tout fait pour m'en sortir avec tant de chutes de haut. Toi, je t'ai vu t'enfuir car j'ai repéré. T'étais la pute de trop et ta flûte de pan dans ces tuyaux, j'défèque. J'veux plus de ma lutte d'avant et à sa gueule, j'dis fuck. J'dis vague, mais lucide quand ça t'affaque à c'est un vent. Zach, Sirac et B2M, faut pas du rap pour s'impuler. Ce petit bail de mif, y'a rien d'autre qu'une fissomation. T'as pas idée comme ça gratter, use la gomme à fond. B2M, JPOP, Zach, Sirac, Dexta à la prod.